dialogue au Forum des Halles. Écoutez. Ça te plaît? Vachement. Je trouve ça très chouette. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait les Halles. Avant qu'on ne les transporte à Rungis, c'était un vieux quartier très pittoresque. Tu y venais souvent? Oui, tu sais. Habitant dans le quartier, j'y passais presque tous les jours. Mais je n'y venais plus depuis qu'on avait démoli les pavillons. Pendant des années, il y a eu simplement un gros trou. On le voit bien sur ce plan du quartier. On fait un tour? Si tu veux. On regarde le plan. Comme ça, tu verras où tu veux aller. Répétez. Ça te plaît? Vachement. Je trouve ça très chouette. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait les Halles. Avant qu'on ne les transporte à Rungis, c'était un vieux quartier très pittoresque. Tu y venais souvent? Oui, tu sais. Habitant dans le quartier, j'y passais presque tous les jours. Mais je n'y venais plus depuis qu'on avait démoli les pavillons. Pendant des années, il y a eu simplement un gros trou. On le voit bien sur ce plan du quartier. On fait un tour? Si tu veux, on regarde le plan. Comme ça, tu verras où tu veux aller.